Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Tell me what ailing me. The Young Rascals avec leur immense laissé Good Lovin' qui est paru en 45 tours le 21 février 1966 et qui a fait une immense tabac, n'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait. Les jeunes coquins. Comment ils disaient? Les jeunes coquins. C'est terrible. Et juste avant ça, nous avons entendu les Australiens des Easy Beats avec Friday on My Mind. Ça, c'est paru aussi en 45 tours en novembre 66. Ça fait un énorme succès un peu partout dans le monde. C'était repris une dizaine d'années plus tard. Non, pas tant que ça. Je pense que c'est en 73 ou 74. David Bowie l'a repris. Il en a fait aussi un succès. Il l'a repris pour son album Pin-Ups, hein, qui est un album de reprise de pièces qui l'avait profondément touché lorsqu'il était gamin. C'était un jeune coquin. Évidemment, les Easy Beats, c'était, comme je l'ai dit d'emblée, avant le bloc, c'était le premier groupe australien à connaître le succès, à sortir de leur pays. Mm-hmm. Et dans ce groupe, on retrouvait, entre autres, George Young et Harry Vanda. Qui sont-ils? Ben George Young, c'est le frère aîné des CDC. Mm-hmm. Et avec son ami Harry Vanda, comme ça, ils sont devenus producteurs et c'est eux qui ont produit les premiers albums des CDC. Il y a un paquet de succès comme ça. De kangourous. Dans les années 70 et 80. Et ils ont aussi formé un duo à la fin des années 70 qui a eu pas mal de succès radio qui s'appelait Flash in the Pan. Qui a été aussi un Flash in the Pan. Ben, je te ferai jouer ça un jour. D'accord. Flash in the Pan. Et au début du bloc, nous avons entendu The Dick Clark Five avec Look Before You Leap. C'est paru en 45 tours en l'été 66. Et moi, c'est le premier disque que j'ai eu dans ma vie. Donc, tu comprends pourquoi, d'où vient mon amour comme ça, des batteries très lourdes et puissantes et assourdissantes et des sons, des sonorités un peu plus agressives, n'est-ce pas, docteur? C'est effectivement le cas, je comprends, et c'est d'un ridicule incroyable. Ça sonne très bien encore, même aujourd'hui, le Dave Clark Five. C'était numéro 5, cette pièce, sur le palmarès canadien en juillet 66. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime ça. Les batteries assourdissantes. Les batteries. Très, très loud. Tu veux dire des tambours. Oui, des tambours assourdissants. Vous êtes à l'émission Rock Classique. Ben, voyons donc. Et oui, avec cet immonde Dr. Pendragon. Et aujourd'hui, nous vous présentez Immonde Docteur. Je ne suis pas immonde. Oui, oui. Je te fais correct. Non, non. Pendant les 10 prochaines secondes, tout va changer. Quel crapule, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous présentons un spécial entièrement consacré à l'année 1966, qui était merveilleuse. Vraiment une année musicale merveilleuse. Là, on a surtout fait jouer les 45 tours parce que c'était le format vraiment qui dominait à l'époque. Mm-hmm. On va s'attaquer aux 47 tours. Non. Tranquillement, on a commencé à prendre un peu plus au sérieux le format long jeu, on appelait ça long jeu à l'époque, là, le format album. Oui. Oui. Et on va voir ça un peu plus tard, là, à quel point c'est devenu sérieux et que ça a même pris de la place là, par la suite. Mais il y en a des groupes qui, à travers les 45 tours, produisaient des albums assez intéressants. Et bien c'est sûr le cas du groupe suivant, mm-hmm, qui est The Kinks. Absolument. Hein, ils ont sorti un très bon album le 28 octobre 66, appelé Face to Face. Oui. On va entendre un choix du Doc dans un moment. Mm-hmm, qui est Dandy. Oui, mais tout de suite, on va écouter le gros, gros, gros succès. Gros quand même. Pas mal de gros. Montre-moi les, là, physiquement. Là. De là à là. Hi, c'est énorme. C'est énorme, je suis impressionné. Ça, c'est sorti, donc, je l'ai dit, le 28 octobre, la pièce Sunny Afternoon, qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de C'est fou, oui, oui. C'est vraiment pas Sunny Afternoon aujourd'hui, hein? Pas vraiment. Non. Grey Afternoon. We don't care. Oh, on a le soleil dans nos cœurs, nous. Le soleil où, Alex? Man's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazy. summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Oh, give me two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, oh, save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Dandy, dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? All your little life, you're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, they long for dandy. Shutting up the ladies, tickling the fancy, pouring out your charm to meet your own demands and turn it off at will. Oh, they long for dandy, dandy. Knocking on the back door, climbing through the window, hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, you're low down dandy, dandy, dandy, dandy. You know you're moving much too fast, and dandy, you know you can't escape the past. Look round thee and see the people settle down, and when you're old and grey you will remember what they said, that two girls are too many, three's a crowd and four you're dead. Oh dandy, dandy, when you're gonna give up? Are you feeling old now? You always will be free, you need no sympathy, a bachelor you will stay. And dandy, you're alright, you're alright, you're alright, you're alright, you're alright, you're alright. Hello, who's that speaking, please? The Kinks avec la pièce Party Line qui ouvre leur excellent disque Face to Face qui est paru le 28 octobre et c'était précédé d'un choix du doc. Dandy. Oui. Dandy qui est tiré de Face to Face, bien entendu. Oui. Et étrangement, il est paru la même date que tu viens de dire. Oui, docteur. Et ça aussi, c'est un succès. Je me rappelle que quand j'étais petit, ça jouait à la radio quand même pas mal. Et au début du bloc, nous avons entendu le gros succès de cet album Face to Face, soit Sunny Afternoon. Ça vaut vraiment le détour, cet album. Oui, c'est Face un bon to album. Face des Kings. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie du docteur Pendragon et de moi-même. Et aujourd'hui, nous présentons un spécial 1966, donc entièrement consacré à l'année 1966, qui était vraiment fantastique. Et là, on va y aller avec un bloc du doc. Entièrement, 100% doc. Un bloc de quatre pièces, s'il en est, dans lequel on va entendre des Small Faces, Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Manfred Mann. Oui. Mais tout de suite, allons-y avec une formation instrumentale. Instrumentale, docteur. Bleu, je dis. Et je vais vous donner quelques petits commentaires sur ce band tout à l'heure. Elle est de Ventures et Action Plus. Oui. Vous êtes assez fous. Et nous aussi, complètement. Absolument. When I got up this morning, I believe I dust my blues. Ain't got no time, baby, got no time to lose. Dealer, dealer, you can pull me through. Dealer, dealer, now. looking mighty now. Here she comes, wearing a wig, hat, and shades to match. Got her high-heeled shoes and an alligator hat. Wearing a pearls and a diamond ring. Got breakfast on her finger now and everything. Devil with a blue dress on. She's the devil with a blue dress on. No, help her say. Got to be the finest girl alive. You walk real cool, catches everybody's eye. Got to be nervous, I can't say hi. Not too skinny, she's not too fat. She's a real pump singer and I like them like that. Devil with a blue red, blue red. Going around me. les petites figures. Oui. Les Small Faces. Et la pièce Shake est tirée de Small Faces, paru le 6 mai 60. Bon, je ne suis pas obligé de dire 66. On le sait que c'est 66 toute la journée. Il n'y avait pas seulement des petits visages, il y avait aussi des petites jambes. Parce qu'il n'était vraiment pas grand. C'était des petits lutins. Oui, c'est vraiment. Juste avant, nous avions Mitch Ryder and the Detroit Wheels, Detroit Ville du Rock. Oui, oui. Avec Devil in the Blue Dress et Good Golly Miss Molly. C'est un 45 tours qui est paru en septembre 66, oui. Oui. Mais tu sais, ça, c'était dans les groupes les plus intenses. Les groupes les plus intenses dans le monde du rock, là, dans les années 60, ils venaient tous de Détroit. Parce que Détroit était une ville très dure, une ville ouvrière. C'est la ville du rock. Et puis, ben, c'est pas pour rien, là. Ben oui. Vraiment, les gens de Détroit, des Grands Lacs, avaient des goûts musicaux qui étaient très rugueux. Hein, ben, c'était une ville d'automobile. Ouais. C'était une industrie qui était... C'est ça, c'est une ville de col bleu, d'ouvriers. Alors, eux, ils appréciaient vraiment la musique extrêmement agressive, stimulante. Intense. Ouais, ouais, c'est pour ça que tous les grands groupes de rock, les plus agressifs là, venaient de là, les Stooges, les MC5, mm-hmm. Ted Nugent et les Amboy Dukes, mais ça venait tous de ce coin-là, de absolument. Détroit. Et c'est pour ça que Kiss aussi, c'est à Détroit. Kiss! Ont eu, c'est la première ville où ils ont eu autant de succès à mm-hmm. Détroit parce que les gens ont compris ben oui, ce qu'ils faisaient. Tout à fait. Et quand Aerosmith allait là aussi, il y avait beaucoup de succès. Alors que ça a été plus long dans le reste des États-Unis. Mais les gens de cette région de Détroit appréciaient cette musique plus musclée. Exactement. Évidemment, tous les groupes qui venaient de là étaient assez destroy. Mm-hmm. Quoique c'était aussi la ville du Motown. Hein? Ben oui, tout à fait. Donc, c'était Détroit assez paradoxal. C'est pour ça que Bob Seger and the Silver Bullet Band, ben, c'est un mélange des deux, hein, à la fois de hard rock et de Motown. Mm-hmm. Mm. Détroit, qui était une ville prolifique, et aujourd'hui, qui est pratiquement une ville fantôme. Oui, c'est très triste. Ah, c'est radicalement. Oui. Hein? Oh, oui, c'est même épeurant, la Détroit. Semblait-il que ça peut être dangereux selon certains quartiers. Mm-hmm. Justement, nous avions Manfred Mann et Dealer, qui est tiré de As Is, qui est paru en octobre. Mm-hmm. Et nous avons ouvert avec The Ventures. Et la pièce Action Plus tirée de Where the Action Is, qui est parue en janvier 66. Oui. Et tu m'as beaucoup surpris parce que moi, je ne connaissais pas cette pièce-là. C'est Action une des rares Plus. Pièces qui comporte du la voix. La voix. Oui. Et c'est probablement Nucky Edwards qui est le chanteur sur cette pièce. Ah, parce que j'avais aucune idée que les Ventures avaient déjà. Quelques fait... rares pièces. Quelques parce que rares pour moi, pièces. Les Ventures, c'est un groupe instrumental. Et là. J'arrive avec ça. Wow! Ben, c'est pour ça que vous découvrez toujours des choses nouvelles à rock classique. Bravo, docteur. Bravo. Et ça me fait plaisir. Et les Ventures qui sont célèbres, oui, parce que c'était un groupe important au début des années 60, mais aussi parce qu'ils ont fait, entre autres, un thème d'émission très populaire. Ben, un des nombreux thèmes d'émission très populaire. Mais un plus que les autres, peut-être. Ben, lequel tu parles? À Wii 5-0? Ouais, ou bien, ouais, à Wii 5-0. Parce qu'ils ont fait un paquet de thèmes d'émission. Mais celui-là a été... Tu trouves que plus que les autres? Ben, je suis pas mal certain. Selon moi, là, j'ai regardé les autres thèmes qu'ils ont faits. Ça prend d'importance aussi. Mais je pense que Hawaii 5-0, en français, a été joué à bon nombre d'endroits. Et pas seulement dans le cadre de l'émission télévisée. Oui. C'est un groupe qui a vendu énormément de disques aussi, les Ventures, un des groupes les plus populaires de l'histoire. Hein? En tout cas, c'est le groupe instrumental le plus populaire de l'histoire, ça c'est sans conteste, et il existe encore d'une certaine façon. Ben, c'est ce que j'ai cru voir, mais là on s'entend que les gens sont toujours très âgés. C'est des septuagénaires, ils sont dans les 70 ans avancés. Et je te dirais même que je crois qu'il ne reste que Nucky Edwards. De la formation originale. De la formation originale. Ouais. Ouais. Un des guitaristes. Et en passant, ce titre-là, Where the Action Is, le titre de l'album des Ventures, ça fait référence à le Sunset Strip. Hein? Là où tout se passait. C'était à Los Angeles. Lorsque tu avais 16 ans en 1966, c'était l'endroit où il fallait être dans le monde. Ça, c'est en supposant, selon la chronique de tout à l'heure, que tu peux franchir les posters. Parce que l'État n'existait pas vraiment. Tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, Alain. Voyons. Where the Action Is, donc, le Sunset Strip, là où on retrouvait le Whiskey à Gogo, entre autres. Mm-hmm. Mm-hmm. Le Gazaries, etc. Des clubs de nuit, des boîtes de nuit mythiques. Oui, et fort populaires. Ouais, vous êtes à l'émission Rock Classique, et oui, le Dr. Pendragon, c'est lui. Non! Là. Oui, oui, qui nous fait découvrir des choses comme ça. J'en invente beaucoup. Oui, évidemment. Mais hein? c'est drôle quand même. Il est prolifique, il a de l'imagination. Ah, je pourrais en vendre en sac. Oui. C'est vraiment des petits sacs à surprise. Et on aurait souvent des mauvaises surprises. Hein. Moi-même, Alain Lefebvre, à cette émission qui, aujourd'hui, est entièrement consacrée à l'année 1966. Pourquoi 1966? Drôle, parce que ça a été une année merveilleuse, fantastique, ben voyons révolutionnaire. Donc, calme-toi, c'est pas si pire que ça, là. Il s'emballe avec des rires. Hein, si 2016 était ressemblé à 1966, là, waouh! Hein? Mmh. Ben, c'est pas parti pour ça. Non, vraiment pas. Non. Hein? Parce que c'est très, très mollasson musicalement depuis janvier. Hein? Ouais. Et on a dit la même chose de 2015. Ouais, on n'est pas dans une bonne séquence. Non, non. On va espérer que ça va s'améliorer. Ben, peut-être que l'été s'en vient, sait-on jamais. Là. Et en parlant de s'améliorer, ben du moins, on va y aller dans le blues. Hein? Parlant de s'améliorer, je me suis senti visé quelque part. On va tranquillement se diriger vers le blues parce que le blues, c'est un style de musique qui a beaucoup marqué hein, le monde du rock et les années 60. Mm-hmm. Alors, on va y aller avec une première formation qui est plus psychédélique que blues, par contre. Ben, en fait, oui, si on veut, et on a choisi chacune une pièce. Oui, de cette formation. L'album Psychedelic Lollipop, qui est sorti en novembre 66. On parle des Blues Magoo. Oui, les Blues Magoos. On va entendre Tobacco Road, mais tout de suite, ton choix, mon cher. Oui, ben, c'était leur plus gros succès, et c'était surtout la pièce la plus importante de cet album, Psychedelic Lollipop. Je parle de We Ain't Got Nothing Yet. Vous êtes sur les ondes, c'est fou, hein? Back a road. to Tobacco Road. Quel joyeux petit orgue strident et fatigant à la longue. Ah, tu trouves ça fatigant? Ben, les... Ah oui, ben c'est de l'intensité. C'est... Ah oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'entends juste deux fréquences, les très hautes, les très basses. Ça peut être très, très agressant. Blues Magoos et Tobacco Road, c'est tiré de Psychedelic Lollipop qui est paru en novembre 66. Oui. Un album, c'est pas un album excellent, grandiose, mais c'est un bon album. Oh, c'est correct, donc, c'est correct. Psychédélique. Tobacco Road qui a été reprise plusieurs fois dans l'histoire. Oui. Hein? Il y a Spooky Too qui l'ont repris. Il y a une excellente version de David Lee Roth. Ça, c'est ma préférée. Son premier album solo complet, Eat'em and Smile. Il n'y a pas confondre avec celle de Jefferson Airplane. Ben, c'est la même. Ben... C'est-tu la même? Ben oui, c'est la même. Même. Ah oui. C'est la même. Cette pièce, c'était les premiers à l'avoir enregistrée. Il me semble que c'est les Nashville Teens. Ouh. Et puis, ça a été repris après par paquet de groupes. C'était un standard des années 60, début 60. J'ai vraiment l'impression que celle de Jefferson Airplane est très différente. Ben oui, mais ils donnaient chacun leur couleur. Ouais, n'est-ce pas? Ben, en fait, c'est pareil comme la pièce Hey Joe. Là. Tout le monde jouait ça dans les années 60. Vous dire Hey Josepha? Là? Non, Hey Joe. Tout le monde jouait ça, mais lorsque Jimi Hendrix en a fait une reprise très lente, ben là, c'était comme la version définitive et il n'y a plus personne qui a retouché à ça après parce que, écoute, j'en connais plein de versions. Il y en a des très, très rapides. Bon, oui, vite quand même, mettons. Ben, comme celui des Birds, est assez vite. Ben, on voudrait avoir un petit extrait de ta part. Non. Oh, non. C'est tout donc bien plate. Juste avant ça, on a entendu ce qui était le plus gros succès en carrière des Blues Magoos, soit We Ain't Got Nothing Yet, qu'on retrouve sur ce même disque, Psychedelic Lollipop. Vous êtes à l'émission Rock Classique et là, on va tomber dans un segment blues. Mm-hmm. Et vraiment, là, pour du moins la prochaine demi-heure, parce que le blues, on l'a dit, c'était une musique qui était très importante, qui a vraiment marqué beaucoup le rock, dès le départ, dans le fond, c'est du rock. Pas mal de là que ça vient. Ben oui, absolument. Mais ça fait un retour en force dans les années 60, dû en grande partie aux Rolling Stones, qui ont fait connaître au public blanc cette musique noire. Mm-hmm. Ce public blanc connaissait pas du tout le blues, avant que les Stones arrivent avec ça. Et ça fait de boule de neige et il y a plein d'artistes qui se sont intéressés à ce style-là, particulièrement en Angleterre. Alors, on va en entendre trois groupes que le docteur a sélectionné. Non, il y en a un que j'ai sélectionné là-dedans. Oui. Mais le docteur en a sélectionné deux. C'est-à-dire Cream et The Animals. Oui. Et il y en a un de ces. Le groupe que je vous propose tout de suite a un rapport avec Cream, puisqu'il s'agit des Blues Breakers, dont à l'époque faisait partie Eric Clapton. Il a enregistré avec eux un disque, Blues Breakers with Eric Clapton, qu'on a surnommé le Beano Album, qui est sorti le 22 juillet 1966. Très, très, très bon disque. On va aller écouter le classique qui ouvre cet album, All Your Love. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières et du blues. Tu le crois vraiment? Oui, oui. OK. Ben, vous êtes assez fous. Oui, exactement. Nous aussi. Ça, c'est indéniable. Missing all your love, pretty baby. smokestack lightning. Mm-hmm, shining. Down on me, babe. But I know since you've been gone, oh, I ain't had no the peace of my home. Here we go. Hey! gold. Just a little spoon of your precious love satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fighting about the spoon. Just a little spoon of your precious love is sad enough for me. It lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fight about the spoon. Cream et Spoonful. Hey, je m'entends pas du tout. Allô, 1, 2, 3, test patate, ça marche? Vas-y, bon, okay. Ça va bien, ça va oui. mieux, là? Oui, oui, oui. Oui. T'avais brisé les boutons, là? Je t'avais dit de pas toucher à ça, ces boutons-là. Mais c'est là. Plus fort que moi. Tu les comprends pas, là. Je les comprends pas encore. Mais quand je vois des boutons, il faut que je les tourne. Oui, oui, et ça a des résultats désastreux, comme on vient de constater, hein? Bon. Donc, je on apprend. Oui, Cream. Cream, c'était Cream. Et oui. La pièce Spoonful tirée de Fresh Cream, leur premier du 9 décembre 66. Et le Rockmaster vient de me dire pourquoi tu nous as fait subir ça. Oui. Faut que je l'explique. Ben, c'est assez simple, c'est parce que t'es pas fin. Mais moi, j'ai trouvé ça très bon. Parce que j'aime Cream. Ben, moi aussi, j'adore Cream. Hey, Goodbye, c'est une autre histoire, là. Bon. Ben, c'est pour ça que j'ai dit les trois premiers. C'est ça. Oui. Non, moi aussi, je suis un fan assez fan de Cream, je dois dire. Oui. Oui. Oui. Surtout de la Cream glacée aussi, là. Oui. J'aime beaucoup ça. J'ai grandi avec Cream, ouais. Oui. Ah oui, ah, ben, pas moi, j'habitais pas dans le même voisinage qu'eux. Je voulais dire avec leur disque. Hein? T'as grandi avec leur disque, eux autres, est-ce qu'ils ont grandi avec toi? Non, ils sont restés de la bataille. Ça te paraît une grosse table tournante. Hey, c'est vraiment boche comme conversation, docteur. C'est toi qui l'as instigé. On a entendu The Animals juste auparavant et Smokestack Lightning, oui. Tiré de Animalism, qui est paru le 21 novembre. Ah, ben ça, c'est un très bon disque, ça, Animalism. Pointe-moi pas du doigt de même, c'est impoli. Oui, c'est très impoli. C'est un très, très bon disque. Moi, je l'ai en Venise, ce disque-là. Il n'y a pas vraiment de succès dessus, là, de gros canons. C'est comme House of the Rising Sun ou We Gotta Get Out of This Place. Mais en fait, les pièces sont relativement obscures, mais c'était vraiment un très, très, très bon disque. Je lui donnerais 10 sur 10. Tu ne donnes plus de cotes maintenant. Non, si j'en donnais, je donnerais 10 sur 10. Ah ben, on a un aperçu de ce que tu donnerais, au moins. Et cette pièce-là, Smokestack Lightning, ben, c'était un standard. Hein. Il y a plein de monde qui l'ont repris. Les Yardbirds. Hein, oui, en fait, c'est vrai. Et même les Who, il me semble que les Who ont repris Smokestack Lightning. Je ne me rappelle pas. Il me semble que ça se peut. On va vérifier, mais la semaine prochaine. Ah, ben, docteur. Ça nous le dit pas. Docteur, là. Pourquoi? Ben, parce que c'est moi qu'il faut qu'il fasse les recherches. Toi, ça te tente pas. Je trouve pas que j'ai assez de choses comme ça à faire. Ben, deux ou trois petits boutons sur le camp à s'occuper, puis il réussit à se mêler. Oui, docteur. Et on a débuté avec quoi? On a débuté avec John Mayall et les Blues Breakers, la pièce All You Love qui ouvre leur excellent album. Ça, c'est un classique, Blues Breakers with Eric Clapton. On l'a surnommé le Beano Album. Pourquoi le Beano Album? Ben, parce que sur la pochette, on voit Eric Clapton qui est en train de lire une bande dessinée qui est inconnue en dehors de l'Angleterre, mais c'était très populaire là-bas, la bande dessinée Beano. Oh, je connais pas du tout. Et, ben, c'est normal, t'es pas un Anglais non plus, hein? Non, je crois pas. T'es un subsaharien, si je ne m'abuse. Je suis un Transylvanien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Je me suis trompé de syllabe. Lamentablement. Cet album s'est paru le 22 juillet 1966. Voilà. Et vous êtes à l'émission Rock Classique. Et oui, avec ce cinglé de Top and Dragon. Malgré le fait que ça n'a pas toujours l'air d'être ça, oui, vous êtes à Rock Classique. Oui. Ben, ça faisait pas mal de blues dans la dernière demi-heure. Ben, c'était bon. Ben oui. Pas la dernière demi-heure. Ben, la dernière 15-20 minutes. Oui, c'est ça. Et on va poursuivre avec un autre quinzaine de minutes dans le blues avec un groupe qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact à l'époque. Ils sont presque oubliés aujourd'hui. En fait, le Rock and Roll Hall of Fame, ils ont oublié depuis longtemps. Il s'agit du Paul Butterfield Blues Band. Quelle référence! Bon, mais on a parlé des intronisés. Je me rappelle pas si ils ont été intronisés finalement. Ça doit pas. Là, jamais m'étonnerais. C'est trop bon pour ça. C'est trop rock. Le Paul Butterfield Blues Band qui est arrivé avec un album vraiment révolutionnaire en août 66 qui s'appelle East West, oui. Dans lequel on mélangeait non seulement le blues et le rock, mais aussi des influences de musique du monde, de musique arabe, de musique du Moyen-Orient. Mm-hmm. Donc, ça a donné quelque chose de qui a plus tard mené vers le psychédélisme. Oui. On va entendre cette longue pièce East-West, mais avant ça, on va entendre une sélection du doc. Oui, on a choisi chacun une pièce et on va entendre, comme tu viens de le dire, ta sélection East-West un peu plus tard, dans peu de temps. Mais moi, j'ai choisi Mary. Oui, qui est plus blues, là, plus typique. Oui, c'est plus traditionnel. Traditionnel, exactement. Alors, on écoute ça tout de suite. Vous êtes sur les ondes de C'est vous. C'est bien cela. Mary, where are you going to? Yeah! The Paul Butterfield Blues Band avec leur classique, la pièce titre de leur album East West, paru en août 1966. Et si vous faisiez jouer cet album-là, cette pièce-là, il y a 50 ans, il y a de bonnes chances que vos voisins aient eu peur. Oui. Parce que même aujourd'hui, je pense qu'on ferait jouer ça, là, puis mes voisins auraient peur. Et si vous voulez. Oui, j'imagine, effectivement. Et si vous la faites jouer à l'envers, ça devient cotillon. Cotillon? Oui. Oui. C'est une danse traditionnelle qui, ma foi, est pas mal plate. Je pensais que c'était un jupon, un cotillon. Non, cotillon, c'est une danse traditionnelle. Ah. Et si vous la faites jouer à l'envers, au 78 tours, ça devient du black metal. Ben, c'était une pièce très, très révolutionnaire à l'époque. Et juste avant ça, on a entendu une pièce plus traditionnelle tirée du même album, Le Choix du Doc. Mary Mary. Mm-hmm. C'est ça. Ben, pourquoi tu as choisi celle-là? Sais-tu, moi. Ben, il faut donner une raison. Ben oui, en voilà une. Il faut que tu nous la donnes. Ben, parce que j'aime bien cette chanson. OK. Puis, mais t'es fatiguant, là. Mais parce que je savais que tu ne la choisirais pas, que tu étais pour prendre la pièce plus connue, qui était la pièce titre. Donc, je me suis dit, je vais aller en choisir une autre. En fait, je te connais tellement que je me suis dit, c'est sûr qu'il en prend une. Fait que je prendrai pas celle que je suppose assurément qu'il va prendre. Je vais en prendre une autre. Voilà la raison dans toute sa définition. Ouais. C'est parce que tu sais que j'ai cet album-là en vinyle et puis ben je vais jouer juste la phase 2. C'est vrai? Je vais jouer juste la pièce East-West. Oui. OK. Dedans. Le reste, ça te dit pas? Ou... Ben, j'aime East-West. Bon. Donc, t'aimes moins les autres. Oui, on pourrait dire ça. On va le dire. Oui. Oui. T'aimes moins les autres. Exactement. Je l'ai dit. Vous êtes à l'émission Rectessic en compagnie de ce... Ah ben oui, c'est un malade! Ah! Un grand malade, Dr. Pendragon. S'il vous plaît, docteur. Il est gravement atteint. Je suis gravement atteint demain. Oui. Oui. Et moi-même, Alain Lefebvre, cette émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Mais aujourd'hui, nous vous présentons une programmation spéciale, car cette émission est entièrement consacrée à l'année 1966, qui est une des plus importantes et riche en matière de rock. C'était une année révolutionnaire. Révolutionnaire. Là, on va y aller avec... on va encore prendre un virage, parce que là, on était dans le blues pendant un bout de temps, et là, on va aller explorer un autre genre de musique qui a beaucoup, beaucoup marqué le monde du rock. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah non, oublie ça. Je viens de passer une niaiserie que je peux pas dire en nom. Une bulle qui vient de passer, là, comme oui, ça. Oui, c'est un autre disjoncteur. Ça arrive souvent. C'est très épeurant. Les gens qui sont pas habitués là, d'être avec toi, là, souvent, on est calme, et puis d'un coup, il part à rire, et puis il dit toujours « Non, non, non, il n'y a rien. » Non, en effet, il n'y a rien. Jamais contredire le malade. Hein? Non, jamais. Jamais le contrarier. Donc, on va y aller avec un autre genre de musique qui a beaucoup marqué les années 60. Oui. Ce sont encore une fois des choix communs. Hein? Ah ben oui, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est vraiment des formations qui sont importantes là, qu'on va voir dans les prochaines minutes. Mais on va y aller avec un premier bloc qui est consacré à une formation qui est, on pourrait quasiment dire, c'est un super groupe, quoi qu'à l'époque où ils se sont formés, ben les membres du groupe, ils n'étaient pas connus. Ben non, évidemment. Ils étaient tout à fait inconnus. On parle de Stephen Stills, de Neil Young et de Richie Furay, qui ont formé Buffalo Springfield. Hein? Et ils ont sorti un premier album en janvier 66. Le docteur a choisi une pièce qu'on va entendre dans un moment. Soit A Dusty Road. Oui, mais avant ça, on va aller écouter... c'est le classique et c'est la pièce qui était le plus gros succès et c'est une pièce qui était vraiment pas de circonstance, mais en tout cas qui collait bien son temps parce que ça parle d'émeutes. Hein? Il y en avait beaucoup dans ce temps-là, des émeutes dans les rues un peu partout. Alors ça s'appelle For What It's Worth. C'est très connu ce morceau. On l'écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. Ouais. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Being drawn, nobody's right if everybody's wrong. young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop now. What's that sound? Everybody look. C'est dans la dimension rock classique. I don't tell no tales about no hot dusty roads. I'm a city boy and I stay at home. I make no excuses, I just don't want to roam. And I don't like surprising things for a case of the blues. It ain't no club, you don't have to pay no dues. You just love me and I love you. And if you take some pride in being alive, you're interested in looking inside of yourself. Just drop on. Qu'est-ce que c'était ça, là? C'est toi qui n'as pas été assez vite. Tu as un de tes boutons que tu te mêles tout le temps, là. Non, mais c'est pas le Kéluc, mon nom, non plus. T'as bien raison. Bon, c'était Buffalo Springfield et la pièce Hot Dusty Road qui est tirée de l'album homonyme qui paraît en janvier 1966. Oui, et juste avant ça, on a entendu le classique qui est tiré de ce même disque, For What It's Worth. C'était repris par Public Enemy. Hein? Oui. Oui. Il s'appelle The Game ou quelque chose comme ça, la petite pièce. Oui, oui. Ouais. Ouais, c'était moche. Mais malgré ça, Steven Stills avait participé à ce morceau. Aux vidéos. Hein. Je pense que c'est même une pièce qu'ils ont fait qui a paru peut-être pour un. C'était peut-être pas fait pour un film initialement, mais ça a été dans un film dont j'oublie le titre et qui me dérange pas du tout. Tout à l'heure, je parlais du Bobby Fuller 4, hein, et puis j'ai été faire quelques petites recherches parce que je me suis rappelé d'avoir lu un article sur lui dans le Classic Rock il y a de nombreuses années. C'est combien d'années, ça, de nombreuses années? Plus que 4-5. Ouais, c'est pas si loin que ça, là. C'est comme les gens. J'ai écouté un très vieux film la semaine passée, un film de 2002. Wow! Ouais. C'est bon, ok, vas-y, je t'écoute. Je vais faire des petites recherches rapidement, là, mais oui, il a vraiment été assassiné, Bobby Fuller. Il a été retrouvé dans la voiture de sa mère, dans un parking. Ok. À l'époque, les policiers ont dit « Ah, c'est un suicide », mais ça ressemblait pas tellement à un suicide. Un suicide avec la gorge tranchée. Il avait seulement 23 ans, Bobby Fuller. C'est tellement mystérieux sa mort qu'on en a même fait un épisode de la série télé Unsolved Mystery. Ouais. Et on a parlé que ça pourrait être relié à la mafia et c'est possible. À l'étiquette Roulette Records avec laquelle il avait signé. Alors c'était très très étrange cette histoire là de Bobby Fuller. C'est assez sordide qui est mort jeune. Hein? Tu sais qu'Unsolved Mystery avait été traduit ici en français par Dossier Mystère. Ah ouais. Et c'était Jean Coutu qui était le narrateur. Oui, ici Jean Coutu. Mais c'était vraiment pas bon. Ben, je suis sûr que j'ai rien manqué. Hein? Au contraire, si, tu vois, moi, je l'ai vu et ça m'a permis de te faire rire. Et si tu l'avais vu, j'aurais pas eu cet effort-là à faire. Vous êtes à l'émission Rock Classique? En compagnie de cette crapule qu'est le docteur Pablo. Ah non, c'est pas gentil, ça, c'est pas lisson, ça. Oui. Par contre, il ferait pas de mal une mouche, hein? Ben, ça dépend lesquelles. j'ai tendance à confondre d'autres choses avec des mouches. Non, mais j'ai jamais soupçonné que t'avais pu faire quelque chose de mal à Bobby Fuller, par contre. Non, effectivement pas, et pour des raisons qui sont évidentes, comme celle-ci et celle-là. Oui, évidemment. Mm-hmm. Ça va de soi. Oui, et de moi-même, toi aussi. Moi-même, Alain Lefebvre, cette émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Mais cette semaine, nous vous présentons un programme très spécial puisque cette émission est entièrement consacrée à l'année 1966, qui est vraiment une des plus riches en matière de rock. C'était une période extrêmement... prolifique. Oui, prolifique et intéressante, où on s'est mis à explorer, à expérimenter, mm-hmm. à métisser les genres. Donc, la musique est devenue vraiment très intéressante à partir de 1966, de la mi-60. Et le folk rock y a contribué grandement, je trouve. Certainement. Parce que des débuts du rock and roll, c'était une musique très, très juvénile. Mm-hmm. Les paroles minimalistes, insipides, vraiment, ouais. Même fâchantes des fois. Fâchantes. Tellement que c'était épais. ce qui est arrivé, c'est qu'avec Bob Dylan, entre autres... Bob Dylan. Oui. Eh bien, il a amené un aspect intelligent dans plus, le rock. Plus cérébral. C'est ça, exactement. Il a convaincu ses amis des Beatles, qui, eux, ont convaincu aussi les Stones, et puis... Il faut bien dire, les Beatles aussi, à leur début, avaient des paroles un peu... assez niaises. Oui. Ben oui, absolument. Mais ils s'adressaient à un public très, très jeune, d'ado, et... alors, ils se forçaient pas tellement. C'est pas une question de pas se forcer. C'était comme ça. Alors, c'était convenu. On s'adressait à des jeunes. Alors, on n'avait pas à... Fait que ça devait être gna-gna-gna. On n'avait pas à leur... leur faire des résumés de livres de Dostoïevski ou... ou de la théorie de la relativité. Exactement. Alors, on y allait avec ce qui est préoccupé. C'était assez simpliste. Oui. Simplet, hein? Mais avec l'arrivée de Dylan et de la musique folk qui s'est fondue tranquillement à l'intérieur du rock, eh bien, le rock est devenu plein intelligent, c'est devenu une forme d'art. Donc, on l'avait avec Buffalo Springfield, c'était déjà quelque chose de beaucoup plus cérébral, disons. On va entendre maintenant un duo qui a eu énormément de succès et d'impact dans les années 60. Le docteur a choisi... Ils ont sorti deux albums, premièrement, cette année-là, en 66. Moi, j'ai choisi une pièce de leur album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, qui est paru en septembre 69. Mais le docteur, avant ça, nous a choisi une pièce, un immense classique. Oui, on pourrait dire un gros canon, mm-hmm. qui est tiré de Sounds of Silence, et c'est la pièce titre. Oui, The Sound of Silence. Elle est où, Alain? Ben, je sais pas. Là, t'as trop de boutons encore. Il a de la difficulté de s'en venir. Là, faut que je t'excuse auprès des auditeurs parce que manipuler les objets technologiques ici, là, c'est très demandant. Il y a un total de 6 boutons. On écoute ça tout de suite, docteur. Oui. Vous êtes assez fou. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath a halo of a street lamp, I pinned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words the will of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering the sounds of silence. Vous êtes dans la dimension rock classique. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested brown. Without no sleep or night, over goes the child of a mountain. She'll be a true love of mine. Say salt water and some two strands and polishes a gun. She'll be a true love of mine. Tell her to leap in a sickle-bill horse blazing in scarlet battalion. Parsley's angels, Rosemary and Charles, born in the soldiers to kill. And gather it all and to fight for your cause. They long ago forgotten. She'll be a true love of mine. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Simon and Garfunkel avec Scarborough Fair Canticle. C'est tiré de leur album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme qui est paru en septembre 1966. Et en ouverture de bloc, nous avions également Simon and Garfunkel avec leur grand succès The Sound of Silence qui est tiré du même album paru le 17 janvier. Oui, Sounds of Silence. Le son du silence. Parfois, c'est agréable. Mm-hmm. C'est pas notre cas présentement. Non, mais les auditeurs ne l'entendent pas. Heureusement. Oui, oui. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de cet étrange... Je suis un escogriffe. Oui, et ignominieux. Ignominieux. Ignominieux. C'est que toi, docteur, à dire... Ignominieux, c'est pas dur. Dis-le. Ignominieux. Oui. Dis, je suis ignominieux. Tu es ignominieux. Ah, j'ai manqué beaucoup. Oui, tu t'es fait bien avoir. Et moi-même, Alain Lefebvre. Et aujourd'hui, nous vous présentons une émission très spéciale car elle est entièrement consacrée à l'année 66, qui est une des plus importantes et riches en matière de rock. On va poursuivre dans le folk pendant encore un bon bout de temps. Au moins 50 ans. Une demi-heure. Tout à l'heure, on va entendre un immense classique de Bob Dylan. Mais avant ça, on va y aller avec un petit bloc constitué de deux pièces des Hollies, dont le docteur en a choisi une. Et on va débuter avec les mamans et les papas. Oui, les mamans et les papas. Les mamans et les papas et le grand succès, ce tube. Oui, oui. Qui est California Dreamin'. Oui, oui. Une pièce tout à fait... je dirais, évocatrice. Absolument. De l'été de l'amour. Oui. Et même si elle est sortie l'année d'avant. Hein? Ben oui, c'était précurseur. Vous êtes assez fous, et nous aussi. Hein? Hey. California, California dreaming. I'm such a winner's day. see the girl with cymbals on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells a beat go ting-a-ling-a-linging, going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she's dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I have to leave. Now she's moving all around the tables, luring all inside. But I know that she cannot see me, hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I have to over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her? Happens every week. Heavy hand upon my collar, throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Hit me! Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. Share my umbrella. Hollies, avec leur plus grand succès en carrière, c'est leur pièce la plus connue, Bus Stop, qui a atteint la première position des palmarès au Canada et la cinquième aux États-Unis et en Angleterre. Lorsque c'est sorti, ben pas lorsque c'est sorti, mais ce morceau est paru en 45 tours le 17 juin 1966. Et juste avant, nous avions également les Hollies, avec la pièce Stop, Stop, Stop, qui est tirée de For Certain Because, qui est parue le 9 décembre 1966. Oui, et ça, c'est cette musique-là, là, ça m'évoque là, d'une... corrigera si je me trompe. Je vais te corriger tout de suite parce que je suis sûr que tu vas te tromper. Alors, je ne le dirai pas. D'accord. Ça évoque pour moi le film The Wicker Man. Ça dit quoi? Ben oui. The Wicker. Ben oui, avec Christopher Lee. Oui, oui, exactement. Où les gens sont un peu comme gaga. Ils sont ben, un peu beaucoup, oui. Ils sont très joyeux, festifs. Lorsque j'entends cette pièce-là, Stop, Stop, Stop, ça me rappelle ce film The Wicker Man. Tu vois? Pourtant, on ne l'entend pas, mais c'est le genre de truc... OK, qui... évocateur. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. T'aurais dû pas le dire, finalement. J'ai revu ce film-là dernièrement et c'est très drôle. Hein. Surtout la petite danse là, que Britt Eklund fait tout nu. Je ne sais pas si c'était censé boustiller, mais c'est plus ridicule et comique qu'autre chose. Il y a eu un remake de ce film-là qui a été fait. Ah ouais? Oui, dans, je dirais... Excusez, dans la première deuxième portion de 2000, je crois, puis c'était bien. Oui. Ouais. Tu sais qu'à l'époque où elle a tourné ce film, Britt Eklund, ben, son chum, c'était Rod Stewart. Ah oui? Oui, il semble qu'apparemment qu'il a essayé là, de faire disparaître ce film-là. Ah, ben c'est... Par des moyens monétaires. Oui, là. OK. Oui, parce qu'il était gêné là, que ben sa blonde comme ça, ben, ce soit complètement couverte de ridicule. Et qu'elle se soit complètement couverte de rien du tout. On a ouvert le bloc avec The Mamas and the Papas, hein, les papas et les mamans. Oui. Ou les mamans et les papas, selon le cas. Et leur grand succès, California Dreamin', qui est tiré If You Can Believe Your Eyes and Ears, qui est paru en mars 66. Ouais, c'est un immense classique et c'est entendu. À jamais relié comme ça au mouvement Peace and Love de la fin des années 60, plus particulièrement Haight Ashbury. Hein. Qui était un mouvement assez éphémère. Hein? Oui, tout à fait, mais c'était... Mais malheureusement, je dois le dire. Oui, absolument. Non pas pour le côté hygiène de l'histoire, mais... Non, mais souvent, les gens qui n'ont pas connu, nous... Ben moi, j'ai pas connu ça vraiment. Là. Ben moi, oui, parce que je l'ai instigué aussi. Par procuration, parce que j'ai beaucoup lu là-dessus. Mais les jeunes générations qui ont suivi ont tendance à penser que les hippies, ben c'était des épais là, qui pelletaient des nuages et qui... non, c'était tout simplement un mouvement. C'était pas des épais, là, c'était un mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam qui était tout à fait injuste et ridicule et stupide qui était instigué par l'establishment des les précédentes générations qui voulaient comme ça envoyer absolument pour rien la chair à canon. Les jeunes se faire massacrer pour des idéaux Des idéaux, c'est un grand terme encore pour cas, là. Exactement, mais la contre-culture et les hippies, le mouvement hippie, c'était c'était en réaction à ça et c'était pas des épais là. Ils sont peut-être allés un peu très loin. Mais comme tout mouvement de contestation, ça peut déraper. Mais c'était valable et c'était valide ce mouvement et souhaitable aussi. Oui. Parce que ça a aidé à arrêter la guerre du Vietnam. Ça a pris du temps, là, mais... Oui, ça a pris du temps, mais si le mouvement n'avait pas eu lieu, ben, ça aurait été encore probablement plus long et plus dévastateur. Absolument, absolument. Vous êtes à l'émission Rock Classique et aujourd'hui, nous vous présentons une émission très spéciale puisqu'elle porte entièrement sur l'année 1965. Ben voyons donc, 66, qu'est-ce que je raconte là, 65? 66, puisque... c'était une année absolument fantastique et révolutionnaire. On reste dans le folk rock avec un groupe qui, c'était un des gros noms du folk rock, cette formation qui vient de New York. Oui, The Lovin' Spoonful. Ouais. Donc, Alain et moi avons choisi respectivement chacun une pièce. Ils ont sorti deux albums cette année-là, soit Daydream en mars 66, puis Hums of the Lovin' Spoonful en novembre 66. Donc, tu vas nous présenter une pièce dans peu de temps qui est tirée justement de ce Arms of Loving Spoonful, soit Summer in the City. Oui, le plus gros succès, le plus gros canon en carrière. Et moi, je vous propose d'aller écouter Let the Boy Rock and Roll. Oui, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, 89.1 FM. Oui! I heard Mama say to Papa, let that boy rock and roll. My neighbor are complaining in the school board car twice today.

Je vais replacer mes papiers un instant. Oui, juste avant ça, on a entendu une pièce tirée de l'album Daydream qui n'était pas le classique Daydream. Qui n'était que quoi? Qui n'était pas le classique Daydream. Ah, d'accord, oui, effectivement, puisque c'était la pièce Let the Boy Rock and Roll. Oui. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine! L'album Daydream est sorti en mars 66 et cette pièce-là, Daydream, avait été récupérée pour une annonce de beurre dans les années 80 ou 90. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il y a plein de jeunes qui vont penser, entendre Daydream, maintenant, ils vont penser au beurre. Oui. C'est poche. Ben, c'est comme Going Down to the Country qui nous fait penser au jambon. Oui, oui, parce que je me rappelle pas quelle compagnie de jambon l'a acheté, acheté les droits pour s'en servir, pour faire annoncer du jambon. Hmm? Ben, moi, ça me dérange pas parce que j'aime les deux, autant la pièce que le jambon. Que... Oui, c'est une façon de voir, je suppose. Vous êtes à l'émission Rock Classique et aujourd'hui, nous vous présentons une émission très spéciale puisqu'elle est entièrement consacrée à l'année 1966. Et là, on va y aller avec un gros morceau. Hein, parce que gros artiste côté, aussi, mais pas physiquement. Là, côté du folk rock, là, c'était l'album le plus important sorti cette année-là. Et c'est un des albums les plus importants des années 60, de toute façon. Mm-hmm. Hein. C'est un des premiers albums doubles. En tout cas, c'est le premier album double d'importance parce que je pense que celui de Zappa l'a précédé, mais c'est passé un peu inaperçu. Alors que Bob Dylan, lui, c'était une immense vedette, superstar. Ben, c'était le bon ami des Beatles, entre autres. Mais à l'époque, il ne chantait pas avec une voix de cadavre. Non, mais il avait quand même pas une belle voix. Non. Même déjà dans ce temps-là, les gens riaient de lui. Ouais, ben c'est pas son attribut principal. Là, non, non, non. Lui, c'est un grand compositeur, c'est un grand parolier, c'est un excellent mélodiste. Il chante bien, par exemple. Il a pas une belle voix, mais il chante bien. Oui, non, il, c'est il vrai. Il n'est jamais faux. Oui, c'est vrai. Non, non, et non, il a un phrasé assez particulier, unique même. Mais c'est ça, il a pas une belle voix. La différence entre des gens qui chantent bien, mais qui n'ont pas une belle voix. Je suis d'accord avec toi. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une carrière très prolifique. Ben oui, absolument. C'est considéré comme un des grands génies de la musique populaire américaine, Bob Dylan, et avec raison. On vous a retenu trois pièces de cet album Blonde on Blonde qui est paru le 16 mai 66. Oui. Je vous propose la pièce Leopard Skin Pillbox Hat, mais le Rockmaster en a retenu deux. Oui, oui. Ben, c'est deux gros canons de Bob Dylan. On va entendre I Want You. Mais tout de suite, ce qui a été le plus gros succès sur cet album et carrément un des plus gros succès de l'année 1966. Rainy Day Women, number 12 and 35. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est vous. Yeah. So good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. The door, but I would not feel so all alone.

Mardi 26 avril à 13h30, venez assister à l'Assemblée générale annuelle du journal Zone Campus et de la radio CIFOU 89.1 FM. Une consommation vous sera offerte sur place. À la Chasse-Galerie, mardi 26 avril, 13h30. Vendredi 29 avril, 21h30. Votre café-bar, le Zénob, reçoit la gang de Vidéoville, ainsi que Bessic Fantôme. Pour une soirée indie, post-rock, instrumentale, soyez avec nous au Zénob ce vendredi 29 avril pour le spectacle de Vidéoville, ainsi que Bessic Fantôme. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1. C'est fou. C'est skin pillbox, hey. Yes, I see you got your brand new leopard skin pillbox, hey. Well, you must tell me, baby, how your head feels under something like that, under your brand new leopard skin pillbox, hey. Well, you look so pretty in it. Honey, can I jump on it sometime? Yes, I just wanna see if it's really the expensive kind. You know it balances on your head just like a mattress balances on a bottle of wine. Your brand new leopard skin pillbox hat. Well, if you wanna see the sunrise, sometime we'll both just sit there and stare. Me with my belt wrapped around my head and you just sitting there in your brand new leopard skin pillbox hat. Your health, he said. Yes, I disobeyed his orders. I came to see you, but I found him there instead. You know, I don't mind him cheating on me, but I sure wish he'd take that off his head. Your brand new leopard skin pillbox head. Well, I see you got a new boyfriend. Never seen him before. And I saw you making love with him. You forgot to close the garage door. You might think he loves you for your money, but I know what he really loves you for. It's your brand new leopard skin pillbox head. Bob Dylan, Et la pièce seller Pretty Skin Pelt Box Hat qui est tirée de Blonde on Blonde qui est parue le 16 mai 66, Alain. Oui, oui, c'est pas des blagues. Oui. Et ça devait être pas mal laid, ça, un Leopard Skin Pelt Box Hat. Je suppose que c'était peut-être pas ce qui est le plus élégant. Non, vraiment pas. Ouais. Juste avant ça, on a entendu deux immenses classiques, c'est-à-dire I Want You et Rainy Day Women, number 12 and 35. Voilà. Ben oui, voilà, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de cet immonde abject et vil Dr. Pendragon. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que t'es pas gentil, t'es polisson. Ben, je dis simplement la vérité. Oui, mais la vérité n'est pas toute bonne à entendre. Non, c'est vrai, surtout dans ton cas. Et moi-même, allez le faire avec cette émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Nous en sommes maintenant venus au segment de l'émission où nous vous proposons, comme à chaque semaine, une face complète d'un album vinyle classique. Cette semaine, je vous présente non pas seulement un, mais bien 14. Non, deux albums vinyle classiques. Tout à l'heure, je vais vous présenter le disque Revolver des Beatles qui est sorti il y a 50 ans, le 5 août 1966. Mais tout de suite, je vous présente un disque tout aussi extrêmement important que Revolver qui est sorti. Il y aura aussi exactement 50 ans, soit le 16 mai prochain, un très grand classique du rock, c'est-à-dire Pet Sounds des Beach Boys. C'est personnellement un des albums que j'ai écouté le plus dans ma vie, des centaines de fois, et c'est impossible de s'en lancer. C'est un authentique chef-d'œuvre et c'est un disque que j'écoute toujours avec très grand plaisir, sérieusement. J'ai parlé plutôt de pop baroque, là, pop, Pet Sounds, c'en est un autre exemple éclatant avec ses arrangements luxuriants, sophistiqués. Il s'agissait du 11e album studio des Beach Boys, hein? Mm-hmm. Quand même, 11. Oui. Et on était en 1966, là, mais c'est un véritable pas de géant musical et artistique par rapport au précédent disque du quintet et au style juvénile et adolescent de leur premier succès, pour lesquels ils étaient connus surtout. Au moment de la création de Pet Sounds, le groupe avait beaucoup changé et son leader, Brian Wilson, avait cessé de donner des concerts avec le groupe pour se consacrer entièrement comme ça à la composition et au travail de studio. Très fortement impressionné par l'album Rubber Soul des Beatles qui était paru quelques mois auparavant, Brian Wilson avait résolument décidé de créer tout bonnement le meilleur album de rock de tous les temps, rien de moins. C'est ce qu'il disait. C'est ambitieux. Ouais, c'est ce qu'il disait à sa femme quand il a commencé à travailler sur Pet Sounds. Elle est partie à rire. Non, mais toutefois, il faut se mettre en contexte quand on raconte cette histoire-là, parce que 50 ans plus tard, ça a juste l'air d'une une assumption très prétentieuse. Mais en 66, tout était possible parce que tout était à faire. Ben hein? Oui. Et en 66, le format 33 tours et surtout album n'était pas très développé. Le format qui dominait, on l'a dit plus tôt, dans l'industrie du disque, c'était encore celui du 45 tours. C'était ce que les compagnies de disques et les amateurs de musique privilégiaient. En 66, un long jeu, c'était ni plus ni moins qu'une compilation de plusieurs morceaux qu'on retrouvait sur plusieurs 45 tours, surtout en Amérique du Nord. Et le long jeu, c'était surtout des adultes, ce que les ados appelaient des bonhommes là, qui achetaient ça. les jeunes achetaient, eux, des 45 tours, hein? Mm-hmm. C'était les longs jeux, c'était pour les bonhommes, les 45 tours, c'était pour les jeunes. C'était aussi nono que ça. Donc, Brian Wilson a vu et compris les possibilités qu'offrait le format 33 tours album et a tenté d'aller plus loin que les Beatles ou Bob Dylan avaient été jusque-là, même si eux aussi, les Beatles et Dylan, prenaient le format album au sérieux. Brian, il a tout simplement dit qu'il produirait un 33 tours parce que c'était les bonhommes qui avaient de l'argent pour l'acheter. C'est ridicule. Oubliez ce qu'il vient de dire. Non, rappelez-vous-en toute votre vie. Brian Wilson s'est donc mis à pousser les limites en matière de composition, de production, d'arrangement, d'orchestration et de diversité d'instruments pour créer un résultat unique aux sonorités symphoniques composées d'éléments de pop, de jazz, d'exotica, de musique classique et d'avant-garde. Pour ce faire, il s'est entouré d'un groupe de musiciens de studio virtuose connus sous le nom non officiel de The Wrecking Crew, dont faisaient partie, entre autres, le guitariste Glenn Campbell et la bassiste Carole Kane. Pendant l'enregistrement, le reste des Beach Boys étaient en tournée de concert, eux, notamment au Japon. Quand ils sont revenus pour enregistrer leur voix en studio, ils ont été très étonnés du travail de Brian Wilson, surtout Mike Love, là, qui était très confus au début et par la suite très fâché du changement musical à la maturité que Brian avait apporté comme ça au style musical des Beach Boys et la chicane s'est installée dans le groupe. Al Jardine n'était pas tellement emballé non plus par le changement. Par contre, Carl et Dennis Wilson ont adoré ce que leur frère avait fait et se sont mis au travail avec enthousiasme. C'était un album très controversé au sein des Beach Boys, car certains dans le groupe n'avaient pas compris que les temps étaient en train de changer, hein, comme le chantait si bien Bob Dylan. Times are changing. Mike Love, lui, il voyait pas ça. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'écouter la phase 2 en entier de cet album Vinyl Classic, Pet Sounds, qui est sorti il y a exactement 50 ans cette année. Ben, il y a exactement 50 ans cette année. Le 16 mai 1966, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Oui! Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. I know there's an answer. C'est dans la dimension rock classique. It starts with just a little glance now. Right away you're thinking about romance now. You know you ought to take it slower, but you just can't wait to get to know her. A brand new love affair is such a beautiful thing. But if you're not careful, think about the pain it can bring. It makes you feel so bad, it makes your heart feel sad. It makes your days go wrong, it makes your nights so long. You've got to keep in mind, love is here. She's perfection. This time is really an exception. Well, you know I hate to be a downer, but I'm the guy she left before you found her. Well, I'm not saying you won't have a fill of her, but I keep on remembering things like they were. She made me feel so bad, sad. She made my days go wrong and made my nights so long. You got to keep in mind, love is here. Today and it's gone. Tomorrow is here and gone so dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Where can I turn when I'm there with the friends Vous êtes dans la dimension rock classique. Entendu un beau petit chien. Nous allons entendre la phase 2 au complet d'un de leurs albums, Vinyl Classic, leur plus grand classique et de loin, Pet Sounds, qui est paru il y aura exactement 50 ans dans quelques semaines, puisqu'il est sorti le 16 mai 1966. Nous venons d'entendre la pièce Caroline No, qui traite de la fin de l'innocence, de la jeunesse qui se termine, curieusement comme ça, par un train qui passe et des aboiements de chiens. On comprend pas trop. En tout cas, moi, je comprends pas. Tu comprends pas la symbolique qu'il y a derrière ça? Non. Non? Non. Mais je te l'explique. Vas-y, explique-nous-le. Bon, tu parles de la fin de l'innocence, la jeunesse qui se termine, mm-hmm, ainsi de suite. Mm-hmm. Eh bien, à toutes les fois que cette transition-là se fait de l'enfance au jeune adulte, ou voire l'adulte, on entend toujours un train, un chien. Oui, il y a toujours un train qui passe. Il y a toujours un chien qui aboie. Ben, ça me convainc pas, docteur. Ben, t'as raison, parce que c'est pas mal n'importe quoi. Juste avant, nous avons écouté la pièce-titre instrumentale. C'était précédé de la très belle chanson « I Just Wasn't Made for These Times » qui témoigne de la maturité de Brian Wilson en tant que compositeur. On l'a utilisé, cette pièce, dans la série Mad Men pour illustrer à quel point le personnage principal de Don Draper est dépassé à un certain moment par son époque. Morceau très introspectif pour Brian qui entrait de plein pied dans la vie adulte et qui traite aussi d'aliénation sociale. C'est un morceau qui est en lien total avec le thème récurrent du disque, c'est-à-dire la perte d'une certaine innocence et l'introduction au monde adulte. C'est ma pièce préférée de l'album Pet Sounds. On y retrouve du théramine, ce qui donne une texture et ambiance très singulière. Hein? C'est une vitamine, ça, je crois. Hein? Non, c'est un appareil électronique. Hey, c'est le premier synthétiseur d'une certaine façon. Ben oui, c'est ce que c'est. On l'entend dans Superstitious de Steve Le Wonder. Theremin à Superstitious. C'est pas Theremin, non. Pas du non, tout. C'est le quoi déjà? Je me trompe. Theremin, on entendait ça dans les films d'horreur des années 50. Oui, mais c'est quoi d'abord? Je me trompe. Ben non, Clavinette, c'est vrai. Juste avant, nous avons entendu Here Today qui parle de l'amour éphémère et c'était précédé de I Know There's an Answer qui parle de toxicomanie et plus précisément de LSD, la substance que Brian avait commencé à consommer qui a eu des conséquences néfastes pour lui car il a développé des problèmes psychiatriques quelques temps plus tard. Et au début du bloc et de cette phase 2, nous avons écouté God Only Knows, qui est tout simplement une chanson d'amour et un des morceaux préférés de Paul McCartney, qui, en passant, vénère tout à fait cet album qui lui a inspiré à son tour la création de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band l'année suivante. Pet Sounds n'a pas eu le succès escompté en Amérique du Nord et s'est en effet rendu seulement à la 10e position du Billboard, ce qui, à l'époque, a été considéré comme un flop, chose qui a semblé conforter Mike Love dans son assertion que le virage musical que Brian Wilson voulait faire prendre aux Beach Boys était une erreur. Par contre, en Angleterre, le disque a remporté un succès nettement plus éclatant en atteignant la 2e position du palmarès anglais et en restant dans le top 10 pendant 6 mois. Avec le recul, on peut apprécier l'immense influence que ce disque a eue sur le monde de la musique et du rock, plus particulièrement, dont les œuvres les plus ambitieuses étaient à venir. Mais ça, Mike Love, il l'a même pas encore compris 50 ans plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un peu plus tard dans l'émission, je vais vous présenter encore une fois une autre face complète d'un autre album vinyle classique. Je vais vous présenter le disque Revolver des Beatles, qui est sorti aussi il y a 50 ans, le 5 août 1966. Theremin, là, c'était le bidule avec lequel on jouait avec les ondes, c'est ça? Ben oui, exactement. Ben oui. On va en entendre dans la pièce tout à l'heure des Beach Boys, une autre pièce des Beach Boys qu'on va écouter parce que là, je vous rappelle que vous êtes à l'émission Rock Classique et qu'aujourd'hui, nous vous présentons une émission entièrement consacrée à l'année 1966 qui était vraiment très riche en matière de rock. C'est une des plus importantes, une des plus brillantes, une année révolutionnaire. Les Beach Boys n'ont pas seulement sorti un des meilleurs disques de tous les temps, 66. 5 mois plus tard, ils ont fait paraître ce que plusieurs connaisseurs considèrent comme le meilleur 45 tours de l'histoire et un des plus influents qui a eu un impact profond, entre autres, sur le mouvement psychédélique naissant, c'est-à-dire Good Vibrations, le 10 octobre 66. Et on va en entendre du Theremin dans cette pièce. Mais avant ça, le docteur a choisi de nous faire entendre la pièce de Pet Sounds qui avait été sélectionnée en premier pour sortir en 45 tours et qui a remporté un grand succès, n'est-ce pas? Bien sûr, il s'agit de Would It Be Nice. Oui, vous êtes sur les ondes de C'est Fou, 89 FM. It only makes it worse to live without it. that she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good, good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good, good vibrations. She's giving me the excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my avec ce qui est probablement, sans aucun doute, le 45 tours le plus révolutionnaire de tous les temps. Good Vibrations, c'est paru le 10 octobre 1966 et ça a eu beaucoup de succès. Le docteur s'en rappelle pas. De quoi? Du mot succès ou de la pièce? De la pièce, de l'impact que ça a eu. Non, parce que je pense que je dormais cette journée-là. Oui, c'est ça. Cette année-là, peut-être même. Peut-être même cette année. Une année, une journée, c'est la même chose pour moi, voyons. Savant, nous avions également encore une fois les Beach Boys avec la pièce Wouldn't Be Nice qui est tirée de Pet Sounds, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est parue le 16 mai. Oui, et c'est sorti en 45 tours et ça a eu un succès assez modéré. Fort correct, je dirais. Pas correct? Mais c'est une très bonne pièce. Fort correct. Ah, fort correct. Okay. Oui, fort correct. D'accord. Vous êtes à l'émission Rock Classique et aujourd'hui, nous vous présentons un spécial 1966. Et oui, toute l'émission est entièrement consacrée à cette année. En 66, le groupe le plus important, populaire et influent, c'était les Beatles, bien sûr, qui étaient au sommet de leur art, comme ça, en 66, 67, 68. D'abord, ils ont lancé un 45 tours révolutionnaire, Paperback Writer, premier 45 tours des Beatles, à ne pas parler d'amour. Hein. C'était une chanson sous forme de lettre d'un écrivain qui supplie comme ça un éditeur à sortir son livre de poche qui est lui-même inspiré d'un autre livre qui raconte l'histoire d'un écrivain de livre de poche. D'où le titre Paperback Writer. C'est chien court après sa queue. Oui, exactement. Et à l'envers de ce 45 tours, on retrouvait la pièce Rain, qui est la première chanson vraiment psychédélique du Fab Four, avec des passages à l'envers, des bandes inversées qui venaient accentuer comme ça un climat surréaliste. Pas des messages subliminaux. Non, c'était vraiment des bandes passées à l'envers là, et qui faisaient comme ça une espèce de motif, de texture. Le père Régimbal n'aurait pas aimé ça. Ben, sûrement. Alors, on s'en va écouter ça, cette pièce Paperback Writer. Assez fou! Yeah! Paperback! Yeah. ben, je suis sûr qu'en attendant ça, le père Régimbal devait être terrorisé d'entendre ses bandes à l'envers comme ça. Suppôt de Satan. Sur cette pièce des Beatles, Rain, qu'on retrouvait sur un 45 tours qui est paru le 30 mai 1966. Et à l'envers, on retrouvait, encore à l'envers, on retrouvait Paperback Writer, une excellente pièce qui s'est retrouvée au numéro 1, autant en Amérique qu'en Angleterre. Mais en Angleterre, c'était la première fois qu'un 45 tours des Beatles ne se rendait pas directement au numéro 1. Eh oui. Comme ça? Comme ça. OK. Le 20 juin, l'étiquette de disque Capitol avait fait parvenir un nouvel album des Beatles constitué d'un... Qu'est-ce que je dis là? Un nouvel album des Beatles constitué comme ça d'un mélange de 45 tours, de morceaux des albums anglais Help et Rubber Soul, ainsi que de pièces inédites à ce moment-là qui faisaient partie de l'album anglais Revolver. Il n'était pas sorti à ce moment-là, Revolver. Donc, cet album s'intitule Yesterday and Today. Paru le 20 juin, comme je l'ai dit. Je vous propose d'aller écouter deux morceaux tirés de cet excellent disque. Deux morceaux qui ont remporté beaucoup de succès. Encore une fois, cette année-là, en 66. Get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. The chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Take it. The Beatles avec un de leurs très nombreux classiques, Day Tripper. C'est paru en 45 tours avec, sur l'autre face, c'était deux faces A en passant. Il y a juste les Beatles qui faisaient ça. Hein. Deux faces A, ils pouvaient se le permettre. C'était We Can Rock It Out qu'on a entendu juste avant. Et ces deux morceaux, on les retrouve sur l'album Yesterday and Today qui est sorti en Amérique du Nord le 20 juin 1966. Hey, Day Tripper est définitivement une de mes préférées des Bleaters. Oui, ben oui. Moi j'en ai beaucoup des préférées des Beatles. Ah ouais, toi tu le dis. J'en ai plusieurs sur chaque album. C'est vrai? Ils ont plus qu'un album? Ils en ont 13. 13 albums? Oui, pas des micro-sillons complets. Oui, et dans le vent. Ouh là là! Nous en sommes maintenant venus au segment de l'émission où nous vous proposons, comme à chaque semaine, une face complète d'un album vinyle classique. Cette semaine, je vous en présentais deux. Hein, plus tôt dans l'émission, j'ai présenté le disque Pet Sounds des Beach Boys qui est sorti en mai 66. Maintenant, je vous présente un autre très grand classique du rock qui est paru il y a 50 ans, soit Revolver des Beatles, un autre disque absolument stupéfiant et vraiment révolutionnaire au niveau du son, des textes, de son audace musicale, une merveille d'audace, de maturité, d'aboutissement de la part du même groupe qui chantait « I Wanna Hold Your Hand » à peine 2 ans auparavant. Mm-hmm. De quoi jeter tout le monde par terre. Les Beatles étaient totalement immergés dans le monde du psychédélisme et des drogues à ce moment-là. Et ça paraît non seulement au niveau auditif, c'était audacieux, mais le Fab Four présentait en plus son recueil de compositions les plus solides jusque-là. Aujourd'hui, je vous propose la face 2 de cet immense classique. La face quoi? 2! Qui a profondément marqué l'histoire du rock depuis 50 ans. Revolver, les Beatles, vous êtes à l'antenne de la radio des Mélomanes. C'est fou. 89.1 FM. Alain, je t'avise, je fais sauter la table. Non, oui. Je fais pas ça. Arrête. Oui. Non. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Sunshine, I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.

The Beatles, nous venons d'entendre la phase 2 au complet d'un de leurs albums vinyle classique et une des icônes de rock de tous les temps, de toute l'histoire, Revolver, qui est paru en août 1966. Nous venons d'entendre la pièce révolutionnaire Tomorrow Never Knows, dans laquelle John Lennon récitait comme ça des passages du livre des morts tibétains. Ce morceau-là était un véritable choc pour les mélomanes dans les années 60. Il y a une scène marquante dans la série télé Mad Men, lorsque la jeune épouse du personnage principal, Don Draper, lui suggère d'écouter cette pièce-là afin d'essayer de commencer à comprendre un peu plus comment les jeunes pensaient pour essayer de se rapprocher d'eux. C'est vraiment fort comme moment dans la série et on voit que Don, là, il est complètement dépassé. C'était précédé de la pièce d'inspiration Motown, Got to Get You Into My Life, que Paul joue encore régulièrement en concert. C'était précédé d'une composition George, I Want to Tell You, que Ted Nugent a repris dans les années 80. Ted Nugent, c'est indicateur de la musique punk. Ah, docteur. On a aussi entendu Dr. Robert, dans laquelle John fait allusion aux drogues chimiques dont il était devenu un grand consommateur. On a aussi entendu la très belle 401 de Paul. C'était précédé de And Your Bird Can Sing, pour laquelle John n'avait pas grand respect. Ça m'a surpris. Il détestait cette pièce-là, And Your Bird Can Sing. Et au début du bloc, on a entendu la pièce déjà Good Day Sunshine, qui est inspirée à Paul par le groupe de New York, les Lovin' Spoonful, qu'on a entendu un peu plus tôt. Lovin' Spoonful, dont la légèreté et la bonne humeur étaient la marque de commerce. Revolver a été le véritable point de départ du mouvement rock psychédélique qui a dominé le monde au cours des deux années suivantes et qui a mené vers l'été de l'amour un an plus tard. Voilà. De l'amour. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre face complète de, encore une fois, non pas seulement un, mais 30. Ni deux, mais bien trois autres albums vinyle classiques. Je vais vous présenter les disques Sticky Fingers des Rolling Stones, qui est sorti il y a 45 ans, High Voltage AC/DC, qui est sorti il y a 40 ans, et Fair Warning de Van Halen, qui est sorti. Fair Warning. Je vais aller dire ça, ben oui, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Fair Warning. C'est Fate's Warning, en fait. Fair Warning est paru il y a 30 ans, en avril de cette année. C'est donc un rendez-vous. Hey, je suis à lire quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est ça. Le docteur est en train de lire le livre du docteur. Du docteur. Qu'est-ce que tu fais là, docteur? Le docteur. Du père. Régimbal, oui. Qui nous met en garde contre les méfaits du rock'n'roll. Oui, mais c'est extraordinaire. Oui, absolument. C'est à lire vraiment les paroles du père Régimbal. Écoute, ça fait presque 30 ans qu'il est mort puis il est encore drôle. Oui. Et n'oubliez pas, j'ai appris avec lui que Stevie Nicks est une des instigatrices du hard rock. Oui. Et qu'elle nous jeune du punk, de la musique punk. Oui. C'est très drôle. Le père Régimbal, vous pouvez aller voir ça sur Internet. Là, oui. C'est vraiment, c'était tout un personnage. Le rock'n'roll viol de la conscience. Oui. Aujourd'hui, nous vous présentons l'émission, une émission très spéciale puisqu'elle est entièrement consacrée à l'année 66, une des plus importantes et riches en matière de rock. On va y aller avec un bloc, Rockmaster avant. C'est une collaboration puisque dans un moment, on va entendre ton choix des Birds. Ouais. Mais avant ça, on va entendre The Electric Prunes. Mais tout de suite, on écoute Donovan avec cet immense classique de l'année 66. Sunshine Superman. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. C'est fou, 89.fm. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out DC, but I've changed my way. It'll take time, I know it. Style, cause I made my mind to be your going to be mine. I'll tell you right now, in a trick in a book and a paper, all that I can find. lowland. Blow your little mind. 'Cause I made my mind up. You're going to be mine. I'll tell you right now. Any trick in the book, and now, baby. Et la pièce 8 Miles High, tirée de Fifth Dimension, qui est parue le 18 juillet 1966, bien sûr. Oui, c'est un immense classique, mais à l'époque, il y a plusieurs stations de radio qui ont refusé de le jouer. Trop éclaté. C'était à cause des références, selon eux, à la drogue. Alors qu'il n'y en a pas réellement. Là. Est-ce que les animateurs étaient tous des pères Régimbal? Peut-être. Ah, possiblement. Chaque station avait son père Régimbal pour censurer. David Crosby dit que ça n'a vraiment pas aidé la carrière des Birds, alors que ça aurait dû être un immense succès, 8 Miles High. Mais c'est un classique, ben oui, tout le monde connaît fait. Ça. Ben oui. Mais ça n'a pas tant joué que ça dans les stations de radio. Tant mieux. AM à l'époque. Ça a été récupéré plus tard par les stations plus progressives, FM, qui sont apparues vers la fin des années 60. Juste avant ça, on a entendu les Electric Prunes. Avec, les prunes électriques. Oui, avec I Had Too Much to Dream Last Night. C'est tiré de l'album du même nom qui est sorti en avril 66. Ça, c'est un très gros succès. Et au début du bloc, nous avons entendu un méga succès de Donovan, Sunshine Superman, qui est paru en septembre 66. Et j'étais tout petit, je me rappelle que ça jouait beaucoup à la radio. Tu faisais petit physiquement, là? Petit physiquement. Est-ce que tu portais la barbe aussi? Non, j'avais pas encore commencé. Ah, OK. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de ce malade mental qu'est le Dr. Pendragon. Ben, ça peut m'arriver d'avoir certains écarts de conduite comportements étranges. Ouais. Je fais pas de moi un malade mental. Ben, écoute, là, t'es en train de lire le père Régimbal, là, quand même. Franchement, je suis en train de te lire en plus, puis t'es captivé autant que moi. Ah, il faut dire que c'est vraiment très drôle. C'est extraordinaire. On va y aller avec carrément dans le rock psychédélique parce qu'il reste très peu de temps et on réussira pas à finir l'année 66. Il va falloir revenir là-dessus. Alors, dans un moment, on va entendre du vrai rock psychédélique. Oui. On va entendre Country Joe and the Fish. Mais tout de suite, on écoute les 13 Floor Elevators, qui est le premier groupe vraiment psychédélique de l'histoire. On écoute leur classique. You're gonna miss me. Vous êtes à l'antenne de C4. Yeah! We'll be right back. Country Joe and the Fish avec la pièce instrumentale Section 43. C'est tiré de un de ses premiers maxi, EP, intitulé Country Joe and the Fish, un album homonyme sorti de concert avec un journal indépendant qui s'appelait le Rag Baby. C'est paru en juin 66 et on dit que c'est le premier enregistrement vraiment psychédélique à être paru de toute l'histoire du rock. Et 50 ans plus tard, ça sonne encore étrange. Et, effectivement. Et ça fait peur certainement au père Gimbald. Où qu'il se trouve. Et juste avant ça, on a entendu les 13 Floor Elevators. Ça, c'était le premier groupe psychédélique de l'histoire. On a entendu la pièce You're Gonna Miss Me et c'est tiré de leur premier album qui s'intitule The Psychedelic Sounds of 13 Floor Elevators, qui est sorti le 18 novembre 1966. Malheureusement, on ne réussira pas à passer à travers toute l'année 66. Il va falloir revenir là-dessus. Mais passer de 365 jours à 7 heures, c'est difficile. Et très difficile, même si on a fait une heure de plus. L'émission s'achève, c'est déjà tout pour nous et c'est triste. Hein? On n'a pas réussi à passer à travers 66, mais on va revenir là-dessus la semaine prochaine. On va terminer ça la semaine prochaine. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous présenter à Réanimation mardi soir? C'est une émission dite quasi normale, mis à part que c'est la dernière émission du mois, donc je présente l'album marquant qui cette semaine, ce mois-ci, s'attardera à Six Feet Under. Ouais, émission quasi normale, parce qu'elle peut pas être normale parce que c'est toi qui l'anime, hein? Je parle au niveau de la programmation. Ah, OK. Pas au niveau du contenu verbal. Sachez que si vous vous ennuyez de Rock Classic pendant la semaine, toutes nos balados de nos émissions sont disponibles au rockclassic.net. Pour nous rejoindre, le docteur et moi, vous pouvez nous écrire à l'adresse de courriel rockclassic@hotmail.com. La semaine prochaine, ce sera une émission régulière Rock Classic, sauf qu'on va revenir, on va terminer l'année 66. Il nous en reste pour à peu près presque une heure, là. Beaucoup de présentations. Beaucoup de nouveautés. Moi, je vais vous présenter le nouvel album de Person, Desires Magic Theater, ainsi que deux rééditions d'albums de Deep Purple. Et le docteur va nous présenter quoi, lui, là? La formation italienne Black Rainbows, un psychedelic stoner metal, c'est excellent. Rebel Fune, qui a une formation canadienne dans le même genre, qui est très bonne. Et l'extrait du nouvel album de Hawkwind. Bon, on a hâte d'entendre ça, docteur. Vous devriez pas. Nous allons vous laisser avec une dernière pièce parce qu'à l'automne 66... Mais avant, permets-moi de te dire que si vous êtes amateur de métal, ce soir, dès 18h30, écoutez l'émission Subversion de notre ami DJ Tower of Death, qui est un fin adepte du père Gimbald. Oui, il le connaît bien. Nous allons vous laisser avec une dernière pièce parce qu'à l'automne 66, un des artistes les plus innovateurs et révolutionnaires de tous les temps fait paraître un premier 45 tours qui était Hey Joe. Hein? Sa version, sa relecture d'Hey Joe, il en a fait la version définitive. Donc, Jimi Hendrix and the Experience. Et là-dessus, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain à 11h cette fois-là pour une autre émission Rock Classic. Salut! See you!